Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Bonsoir la salle player. Oh, bonsoir. Wow. Notre première invitée, elle est humoriste, elle est comédienne, elle est autrice, elle jouera son spectacle un peu partout en France à la rentrée, un spectacle où elle parle de mensonges, et en parlant de mensonges, elle n'est jamais venue dans le podcast. Si, elle est venue 43 fois. C'est Morgane Cadignan. Cadignan, c'est Morgane Cadignan. Et bonsoir. Ça va? Oh, la vache. Ouais. Ils sont chauds, j'ai l'impression. C'est fou. Et ils ont chaud, car il fait 1000 degrés. Oui. 12 vont crever ce soir, pardon pour vous. y compris moi, hélas. Demain. Je vais essayer de mourir demain. Si l'on devait mourir demain, d'ailleurs. Oh. Qu'est-ce qu'on ferait de plus, qu'est-ce qu'on ferait de moins? Non, je sais pas. Non, mais je pose la question, pardon de le dire. Bah moi, je t'aimerais de le dire. Ah, tu prendrais pas un avion? Non. Trop bizarre. Oh, venez, on l'a fait toute. Franchement, qu'ils sont en merde. On annule. Est-ce qu'il a fait de la musique ou quoi? Bon. Oh. Morgane, est-ce que ça va déjà? Ça va trop bien, c'est Noël là. Bah oui, non, c'est plutôt sympa. On verra dans une heure s'ils sont morts, et là, ce sera juste qu'on a fait un très mauvais spectacle. Ouais. Mais écoutez, on va... Ce sera mon plus. Noël. Pardon. Nous ne sommes pas seuls, Morgane, il n'y a pas que toi. Il y a aussi un deuxième invité. Il est comédien et humoriste, il multiplie les rôles et on l'a vu beaucoup sur scène. Comme le Coulommiers, il est subtil, doux et rustique. C'est normal, il vient de là-bas. C'est Benjamin Tranier. Benjamin Tranier, c'est Benjamin Tranier. Ok, magnifique, c'est sublime. Putain, ça claque. Hein. Ah la vache. Putain. Ouais. pas mal. Allez. J'ai mis la petite moustache en hommage à Adrien Méniel. Ah oui. Je me suis permis. Un petit cosplay. Ça me plaît, voilà. Comment ça va, Benjamin? Ça va et vous? Ça va très bien, on est très heureux de te recevoir également. Ouais, moi aussi, trop content. Merci de nous avoir invités. Oh là là. Ouais. Bah, oh, j'ai hâte, ces questions d'actu, ça va être quelque chose. Oh, je sens qu'il va y avoir des trucs insolites. Karen Lowe, c'est une milliardaire, je préfère vous le dire, qui souhaite un remboursement de 800 000 euros. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est suite à un service qu'on lui a prodigué et elle n'est pas satisfaite? Alors, c'est lié à un service qu'on lui a prodigué, mais c'est pas qu'elle n'est pas satisfaite, c'est qu'elle n'y a pas eu accès et donc elle demande un remboursement. Et ça, en rapport à sa mort? Elle n'est pas décédée. Oui, mais ça a mort un jour. Bah du coup, c'est plutôt bien qu'elle n'ait pas reçu le service. Du coup, ouais. Alors, ce n'est pas lié à sa mort, non. 100 000, c'est énorme. Hein. Est-ce que c'est un soin bien-être? Non, pas un soin. Non, on est plutôt sur du... Médical? Comment? Du médical? Pas sur du médical, non. C'est... Est-ce que les 800 000 qu'elle demande, en termes de somme d'argent, c'est pareil que le service qu'elle voulait? C'est l'argent qu'elle a donné à l'avance pour ce service? Alors, Le service coûte de toute façon très cher. Ok. Elle a mis l'argent sur la table. Pensez à un truc que les riches font. Katy Perry. Ne pas payer assez d'impôts. Elle devait aller dans l'espace et elle n'est pas partie. Non, mais on s'approche. On est sur ce genre de délire. Quelque chose de voyage, un voyage. On est sur un voyage. Alors, elle devait partir aller à une certaine destination. Tout à fait. Très loin sous l'eau. Ah, et comme ça a explosé, elle n'a pas pu partir. Très bonne réponse de Morgane Cadignan. Pas mal. C'est l'excursion Titanic, là. Exactement. Bah, c'est super de ne pas y être allée. Eh oui, mais elle veut un remboursement parce qu'elle n'a pas pu y aller. Je comprends. Karen Lowe, héritière milliardaire d'un empire du lait de soja, avait déboursé près de 800 000 euros en 2018. Karen Lolo de soja. Du Lolo. Vous connaissez l'expression du Lolo, non? Non. Elle boit maman du Lolo, maman est en haut et papa boit du Lolo, je sais pas quoi. Non, mais attendez. Je suis si vieux que ça, on dit. Non, ok. Je vous emmerde, en fait. Continue. Et donc, oui, elle devait visiter l'épave du Titanic à bord du sous-marin Titan. Elle avait confié l'organisation à Cookson Adventures, une agence spécialisée dans les expéditions de luxe. Mais entre retard technique, pandémie et surtout le naufrage tragique du Titan en juin 2023, le projet n'a jamais vu le jour. Et maintenant, elle dit vous m'emboursez. Et elle n'a toujours pas eu son remboursement. Voilà. Lorraine sous l'eau, du coup. Oh. Pas mal. Ouais. Ça ne mérite pas, mais c'est gentil. Ah. Plus applaudi que Laurent McDan, hein, son propre spectacle. quand même. Ouais, c'est fou, hein. Ils aiment ça, c'est ça qu'ils aiment. Un petit calambe, bah, oui. De temps en temps. Mais c'était fou, cette histoire-là, du mec qui est mort dans le... Bah, ils étaient plusieurs. Ils étaient... Ouais, on parle bien du truc... En fait, d'ailleurs, il a implosé, techniquement. Oui, ouais. Et tout le monde... presque fêtait ça, c'est un peu horrible. Ouais, il y avait un truc bizarre. Ils sont morts. Quand c'était que des milliardaires, du coup tout le monde était content qu'ils meurent un peu, c'était assez étrange. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens d'ici étaient ravis qu'ils décèdent. Oui, après on l'a un peu aussi dit dans le podcast d'ailleurs. Hein, c'est quoi vous la plus grosse galère de voyage que vous avez vécu dans votre vie? Waouh. Vas-y, Benjamin. Non, vas-y, là pour l'instant j'ai pas pensé. Non, Morgane. Moi je crois que je voulais déjà raconter à mon dernier podcast, mais après je t'ai envoyé un texto le lendemain en me disant non mais vas-y coupe. Et du coup je vais la raconter maintenant. Il y a bien plus de monde. Non, il y a 4 ans, je suis allée à Cancun. Après, ma faute. Hein. et victime des dictats de la beauté, de l'entretien du corps et du patriarcat, je m'étais rasée la chatte. Okay. Vraiment, j'ai pas trouvé le mot et j'ai choisi le pire. Alors qu'il y en avait d'autres, ouais, entre jambes, pubis. Restons sur la chatte. Et je me suis fait une micro-coupure comme ça arrive, sauf que j'avais le Covid et que j'étais très fatiguée. Et ça a fait un... Il y a des médecins dans la salle, c'est quoi? Le mot, c'est pas œdème, c'est... Tu parles du sourcil. Un abcès, non? Ouais, un abcès. Ah. Mais à cause de l'altitude. Je suis médecin. À cause de l'altitude, dans l'avion, il a explosé. Ah. Et du coup, ça s'est infecté. Et après, j'ai fait un début de septicémie. Non, mais tout va bien, je suis là. Tout ça dans l'avion. Ouais. Sur le trajet. Oui, non, tout ça en arrivant à Cancun, du coup, au Mexique. Et je me rappelle qu'après, je suis allée chez le médecin. Donc, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu des antibiotiques. Mais on va diffuser la boîte noire de l'avion où on voit tout ça qui se passe. T'inquiète pas. Et en plus, c'était la nuit du Nouvel An, le vol. Enfin bref, tout bien. Oh. Et je me rappelle que le médecin, elle avait sa sonnerie, donc elle était en train de me soigner et tout. Et elle avait la chatte, on parle de la chatte. La chatte, ouais. Ma chatte. Donc elle me réparait la chatte. Et il y avait son téléphone qui était à l'autre bout du cabinet. Et son téléphone a sonné très longtemps. Et la sonnerie, c'était Love is Gone de David Guetta. Et vraiment, elle était en train de m'expliquer que j'ai failli mourir sans « What are we supposed to do ?» Voilà, c'était un bon souvenir. Ah oui, c'est bien. Ça rentre dans la catégorie. Ouais. Des bons voyages. Ouais. Maintenant, c'est cire chaude pour ma part. Bien sûr. C'est dur de passer après ça. J'avoue. Non, mais ça rentre dans la catégorie, effectivement, petite galère de voyage. Petite, ouais. Ça rentre. Non, mais est-ce que... Je peux vous poser une autre question. Est-ce que, par exemple, vous êtes du genre... Imaginons. Oui. Vous avez un hôtel. Ouais. La presta, ça va. Mais genre, vous l'avez payé un petit peu cher. Et il y a un truc, c'est le genre de truc qui vous embête. Mais en vrai, tout le reste est bien. Mais genre, le pommeau de douche, c'est pas un truc un peu chiant? Est-ce que vous êtes du genre à... On dirait que t'es en train de lancer un truc de stand-up comme chez Drucker, tu sais. Mais est-ce que des fois, quand vous êtes à l'hôtel et qu'il y a des trucs hyper spécifiques, oui. Eh ben justement, le shampoing... Ton sketch du shampoing, là, oui. Le beauf. Et... et oui, non, mais... Le un petit truc où vous dites « Ah, ça fait chier de me plaindre, mais vous vous plaignez quand même. » Ah, genre, ils n'ont pas fait la chambre et... genre, oui, voilà, ils n'ont pas fait le lit. Ça, c'est un vrai truc. Ah, bon, voilà. Pardon. Ouais, ouais. Attends. T'as payé cher? Non, mais moi, j'ai pas d'anecdote perso, mais oui, imaginons que j'ai non, mais dans cher. Le... Dans l'anecdote, oui, dans l'histoire que je c'est vous c'est un jeu de rôle très spécifique qu'on est en train de faire, en tout cas. Bah, quand il n'y a plus de mouchoir, c'est relou. Oui, voilà. Par exemple. Moi pour vérifier souvent la chatte... Pour vérifier qu'il change bien les draps, je chie dedans avant. Ah ouais. Nouvelle question pour vous-même. En Grèce, une femme a demandé le divorce après 12 ans de mariage. Qu'est-ce qu'il a décidé à divorcer? Sachant qu'il y a un petit piège dans la question. Est-ce qu'il y a eu un changement alors, déjà, est-ce que c'était un mari? Oui. Okay. Elle a divorcé de son mari. D'un humain. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un changement chez le mari, ou est-ce qu'il y a eu un changement de point de vue de la femme? Un changement de point de vue de la femme, très bonne question, ouais. Adrien Méniel. Bon, oh, écoute. Bah, si. J'ai 10 ans de bouteille, en fait. Eh, c'est vrai, bordel. Un changement physique du mari? Non. Ah non, c'est elle qui a changé de point de vue, lui n'a pas changé. Ah, de point de vue. Faut jouer en équipe, hein, sinon. Elle est devenue aveugle. Elle... Ouais, les gars. Les gens changent, Benjamin, merde. Elle a changé de point de vue. En fait, est-ce qu'elle a eu genre une sorte d'accident médical qui lui a changé son point de vue, quoi? Je sais pas. Qui non, lui a genre, changé comme ça, j'ai l'impression. Non, mais... Wow, non, mais genre, elle se fait opérer au laser des yeux et elle fait, mais il est laid. Oui. En fait. Quelque chose comme ça. Oui. Ou autre chose. Non, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur quelqu'un d'extérieur qui lui a fait prendre conscience. De... Enfin, pas qui lui a fait conscience, qui lui a donné... qui l'a fait divorcer, quoi. Je peux pas vous aider plus, okay, je vous donne la réponse. Elle est daltonienne et raciste, et puis... ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais, c'est vrai. Donc c'est quelque chose sur sa personnalité Non. Quelqu'un d'autre qui lui a fait changer d'avis. Oui, mais sur la personnalité de son mari? Non, et la personne lui a dit, en fait, ton mari, là, il est en train de te tromper. Oh. Et le mari a dit, pas du tout, vraiment. Et elle a dit, la meuf a dit, dans le doute, divorce. Ouais, voilà, on est dans un truc comme ça. Okay, une voyante? Alors, pas une voyante, mais on s'approche, effectivement. Ah, par exemple, la personne... Une astrologue? Pas une astrologue. Une dame qui tire le carreau? Quelqu'un qui bosse dans la science. Acupunctrice. Hein? Une acupunctrice, pas une clairement. Acupunctrice. Alors, vous posez une question, si vous posez une bonne question, vous trouverez un indice majeur, parce que là, vous cherchez des humains. ChatGPT. Eh oh. Oui oh. Une IA. Miyazaki, Adrien. Pauvre mec, là, qui galère dans sa petite cabane, là. Donc oui, une IA en Grèce, une femme a demandé le divorce après 12 ans de mariage, convaincue que son mari la trompait après une révélation de ChatGPT. Selon la télévision publique ERT, pour en arriver là, elle a envoyé à l'IA des photos de fond de tasse de café. Ah oui, d'accord. Oui, non, donc on est sur une voyante, mais... d'accord. Voilà. Et bon, les siennes et de son mari, et ChatGPT lui aurait alors indiqué que son mari entretenait une relation avec une jeune femme dont le prénom commence par E. Et oui, Émilie Ratajkowski peut-être, qui prévoyait de la quitter pour cette personne. Sans chercher à vérifier, elle a exigé son départ immédiat. Wow. Et quelques jours plus tard, son mari recevait une notification de divorce via avocat. L'homme, resté anonyme, bah oui, il veut pas se taper la honte, a confié à la télévision grecque qu'il pensait participer à un jeu pour rire avec sa femme. Non. Attends, de quoi? Attends, il pensait qu'elle délirait, quoi. Ah genre, oui. C'est un prank. Il s'est dit, c'est un prank? Non. Wow. Après, la sister avait peut-être juste envie de divorcer, quoi. Oui, alors, oui. Peut-être. C'est vraiment, tu cherches, vraiment trouver un moyen tu de te barrer, t'as un iPad et zou, quoi. Moi, j'aimerais voir la conversation avec ChatGPT, à quel point elle l'a vraiment aiguillé, quoi. T'es sûr qu'il me trompe pas? Vraiment, t'es sûr? En plus, ChatGPT, il aime bien faire plaisir. Donc, il a dit, oui, pardon, oui, voir de plus près, oui. Ah bah, je divorce. Mais il faut ça. Alors le mari lui se défend en disant, mais donc non seulement il l'a pas trompé, il dit, mais en plus c'est quelqu'un d'assez influençable puisqu'elle avait déjà vu une voyante qui avait fait divorcer de son précédent mari. Attends, quoi? La voyante l'avait fait divorcer de son précédent mari. Ouais, bon, allez. Non, bah, d'accord. Donc peut-être, bon débarras peut-être pour le mari là. Voilà, en vrai. C'est là où je voulais vous emmener. Est-ce que vous êtes du genre influençable? Alors pas à ce point, mais est-ce que vous êtes des gens influençables? Est-ce que vous pouvez vous faire facilement influencer? Moi, je peux être influençable, mais à la manière d'un chien, c'est-à-dire je vois un aliment en photo et j'ai envie de manger ça. tout de suite. Ah oui. Immédiatement. Je passe dans la rue, il y a un burger, je mange un burger ce soir. Je ne pense plus qu'à ça. Je croyais que c'était parce que tu ramassais ta merde avec un sac plastique. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, on la ramasse pour moi. Oui. Alors on a vendu beaucoup de merch. Moi très influençable. Moi vraiment, je peux avoir une conviction. On me dit 2-3 mots un peu sympas. Je dis, ouais, t'as raison. Je suis vraiment une merde. Là, j'étais à un meeting là, de Jordan et je sais pas quoi. Ils t'ont eu. Ils m'ont eu, quoi. Ils t'ont montré un TikTok, t'as fait. Bah, ouais. Marrant, marrant. J'avoue que c'est des éponges, ces frontières. Là. Non, mais. Oh, c'est un perso, c'est un perso, c'est un perso. Non, mais en vrai, pour de la merde, je suis très vite. Ouais, j'arrive pas à prendre déjà de décision, comme on le voit là en ce moment même. Et du coup, si quelqu'un me dit. Fais ça, je suis sûr que c'est mieux pour toi. Ouais. Mais carrément. Bah, bien sûr. Bah, chat GPT, gars. Mais est-ce que c'est pas aussi un truc de pas vouloir vexer, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a pas aussi un petit truc qui. Non. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu comme ça, mais je sais qu'au fond de moi, c'est aussi parce que j'aime pas trop rentrer en conflit et tout, donc j'essaie de, tu vois, en me disant ah ouais, non, mais ouais, t'as raison. Ouais, peut-être me mens un peu à moi-même. Oui. Ouais. Peut-être un peu de ça. Sauvez-moi, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, sauvez-nous. Tom Morgan ? Non, je crois pas. Non ? Non, non. Pardon ? Visiblement. Il n'y a pas de blague, quoi. Je te présente mes excuses. Une reine, pour moi. Je les accepte. Non, si, j'imagine un peu, mais... non, après, je peux dire, comme tu as dit, pour pas vexer, ouais, d'accord, je prends le conseil, je vais faire ça, mais je le fais jamais. Bien sûr. Ah, bah, donc voilà. C'est pas influençable. Quotidiennement, ça, oui, par contre. Ouais. C'est malin, c'est rusé, plutôt. Ouais, ou s'en foutre, quoi, des gens. Ouais, c'est bien. Un homme dont l'identité a été changée, pour le bien du podcast, appelons-le Nikos, est le premier homme, peu importe son famille, est le premier homme à avoir subi une opération qui n'a jamais été faite de l'histoire de la médecine. À votre avis, laquelle est-elle ? Est-ce une greffe ? Non. Est-ce une réduction ? C'est une réduction. Une réduction de nombril, pour enlever le... Ah, le truc qui sort ? Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Je croyais que ton sourcil était trop... Moi, ça me permet de caler des pièces de 2 balles. Ou l'iPhone pour filmer, quoi. Pas besoin des Ray-Ban Meta. Hein, bah oui. Mais dans le. Baffy l'utilise pour faire ses pranks. Ouais. Ouais, bien sûr. De toute façon, moi, j'ai gardé le cordon ombilical dans le doute. J'ai l'impression que Morgane, elle a la réponse. Non, c'est pas une réduction. Ah non. Bah, une réduction d'anus. Ah oui, pardon. Mais t'es dégueulasse, en fait. J'aurais pas dit ça dans un autre podcast. Non, on est à la salle Playel, en fait. Ouais, allez, bon. Ouais. Je n'ai pas pensé à Augustin Trappenard. Non, je sais pas, ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas dommage. Réduction de nez. Pourquoi tu penses à ça? Non, je sais pas. Monde. Ça déjà. Non, fait. Non, faut pas. On peut le faire. Attends, ça. C'est la première fois au monde. On peut le faire, ouais. C'est ce que dit l'article. Ça m'a étonné. Pour être tout à fait avec vous, c'est peut-être un petit indice que je vous donne. Ça m'a étonné. Des mains. Hein? Des mains. Je sais pas, mais ça me fait un peu rire. Excuse-moi. Oui, ça un peu petite. C'est un truc pas banal, quoi. Donc. Ah, c'est pas banal. Ah, c'est le podcast, c'est insolite, je te rappelle. Est-ce que c'est un attribut masculin ou pas du tout ? Oui. Oui ? Le pénis. Oh. Bien, wesh. Bah attends, les couilles. Ah oui. Ça a été vite, bien hein. Bien sûr. Non, mais faire quoi aux couilles ? Comment ? Réduction de couilles. Non, mais c'est une réduction ou pas ? Oui. C'est une réduction du pénis, elle a dit la bonne réponse. Réduction du pénis. Attends, c'est pas la première personne du tout. Alors, l'article dit, c'est la première fois que. Excuse-moi. Alors oui, il y a un petit. C'était un calvaire. Je peux m'asseoir désormais, donc je suis quand même... C'est faux, c'est vraiment... La bonne queue d'Adri. La bonne queue d'Adri. J'allais chanter, non. Non mais chantez, faites-le bien. Alors non, parce qu'effectivement, il y a un petit truc... J'allais dire un petit truc en plus, je ne parle pas du film. Ouais. J'aurais beaucoup de mal à le coller à l'intrigue de cette histoire. Non, effectivement, on a réduit son pénis... Mais c'est la première fois, je vais vous le donner, que c'est fait apparemment volontairement. C'est-à-dire que la personne n'a pas de problème avec son pénis, il a juste dit, je trouve que j'ai un trop gros pénis, je veux le réduire pour mon propre plaisir, mon propre confort. Confort, ouais. Exactement. C'est ce que tu viens de dire ? Ok. Je m'excuse. Donc, Nico, c'est le premier homme à avoir connu une opération de réduction du pénis. Bah, peut-être pas long, mais large en tout cas. Ah oui. Une trousse d'école. Non mais c'est vrai. Quand tu mets tel compas dedans et que tu pouvais pas bien fermer. Trop de trucs, ouais, y a trop de trucs de couleurs. Pour les coucher et tout. Avec plein de fêtas là. Bah oui, mais vous... Ah putain, chier. Juste une trousse d'école, c'est pas, D1, là, pas long pour toi. Hein? C'est pas long pour toi, une trousse c'est d'école. Compact. Non, c'est compact. Non, mais je vois un truc très compact. L'ice pack. Ouais, ouais, non, grave, ouais, c'est... C'est quoi une trousse d'école, c'est vraiment comme ça? L'ice pack ou celle en peau de chameau, non, là gars, oui, voilà, mais je voyais celle-là. Oui. Celle en peau de chameau. Ah. Oui. On m'écrivait dessus, ça m'énervait. Il y a une ouais, trace de... Les traces de stylo, elles partaient pas. Ouais, un truc tout petit, quoi. Hein? Tout petit, quoi. Non. Par rapport, hein, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, c'est petit. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un stylo, là, minuscule. Donc, depuis l'adolescence, il ressentait un mal-être discret lié à la taille de son sexe qu'il jugeait disproportionné par rapport à son corps. Son pénis mesurait environ 20 cm en érection, ce qui, bien que supérieur à la moyenne, n'était pas un handicap oui, au quotidien. Oui, c'est pas gigantesque. Non, c'est ça, c'est pour ça. C'est aussi pour ça que une trousse c'est d'école, ça, ça fait 20 cm, non ça représente pardon. Par rapport à ta gourde. Une trousse d'école, qui est graduée, là, est-ce que quelqu'un a une trousse pas, non, mais regarde, il a sa gourde qui est graduée. J'ai ma gourde, oui. Oui, mais en millilitres. Je suis pas sûr que. Pas sûr que ça se rapporte, mais. Il s'est fait retirer 10 centilitres de tub. Et bah, je suis beaucoup mieux. Eh ouais, bah quoi. Et c'est la recette du Chao Kombucha, dites-vous. C'est introuvable dans aucun magasin. Aucun alors. Donc effectivement, après des années de recherche en 2015, il découvre un cas similaire aux États-Unis et prend contact avec un urologue belge. J'ai rien compris pourquoi il y a eu un voyage comme ça. De... Bon voilà. C'est les meilleurs, la Belgique. Oui, oui, c'est l'opération de première mondiale consiste à réduire la largeur et la longueur de la verge. Tu vois, on est vraiment sur un truc qui rapetissie. Ah ouais, c'est ouais ouais. Ok. Et oui, en retirant une. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Bah, s'il te plaît. Trigger warning, peut-être. Vous pourrez expliquer ça comment on fait. Chose à faire à part se boucher les oreilles, hein. Bah oui. Ouais. Ouais. C'est pas si fou de faire ça. Oui. Effectivement, en gros, c'est anesthésie et c'est un peu comme une péridurale. Bah, ils ouvrent et ils enlèvent du corps caverneux un peu, j'imagine. C'est un peu ça. Alors, ils appellent ça le dégloving. Mmh. Ah oui, ils la retournent comme une chaussette. Comme une chaussette. Comme les lapins, là. Oui. Mmh. Ouais. Mais j'imagine, hein. Ouais. En gros, c'est une incision à la base du gland pour dérouler le fourreau pénien, comme ceci. Fourreau pénien. Dans la base. Ah oui, le... ah oui, comme ça. Eh oui. Ah, en vrai, ça doit être un peu marrant parce que il y a juste le gland qui est intact et non, ça doit pas être marrant du tout. C'est atroce. Le mot atroce, je voulais le dire. Le gland est intact. C'est comme la peau du Saint-Agone, là, un peu. Oui, oui, un petit peu. Un petit peu. On est autour j'ai de ça. J'ai mes refs à moi. Là, il y a le lapin, il y a le Saint-Agone. Le quoi? Le Saint quoi? Le Saint-Agone, c'est du... Fromage? Non, c'est comme du saucisson, mais de bœuf ou de je sais pas mais quoi. De bite. Ah, y a eu le cas à confirmer bœuf, je crois. De bœuf, ouais. Okay, et d'accord. La peau s'enlève comme la bite, okay, okay. Monsieur. Hein. Ah, ouais, la bite à Nikos, la bite à Nikos. Ils s'entraînent là-dessus, les chirurgiens, je crois. Oui. Et donc ensuite, après, il y a ce qu'on appelle une résection longitudinale. Bah écoute, salaud. C'est toi qui t'es fait. Mais j'imagine. Adrien, j'avais changé le prénom exprès pour que les gens aient pas tout de suite le truc. Bon, tant pis. Non, mon sexe est normal, vraiment. Voire même apparemment minuscule, si c'est plus petit qu'une trousse, vraiment beaucoup plus petit qu'une trousse. Effectivement, et en fait, c'est une membrane élastique autour de laquelle il y a le fourreau cutané de la verge. On fait tomber le fourreau. Là, j'ai l'impression d'expliquer des règles de Koh-Lanta, ça n'a rien à voir. Comme une chaussette, encore une fois, on réduit la circonférence de l'albuginé, on coupe une bande de la membrane et on recoupe. Voilà. Ouais, ouais. Donc t'as une méga cicatrice sur la top quand même. Donc ça, c'est la largeur et ensuite on met en fait deux. Alors je vais vous le résumer, on met deux trucs au-dessus pour que quand il bande, ça puisse pas s'allonger. Mais. Oh, c'est horrible, non. Mais t'es vraiment. Mais pour moi, t'es un intéressant. Enfin, ouais. De faire ça, c'est vraiment. J'ai 20 cm, je fais une opération pour qu'il y ait 10 articles sur moi. Ouais, ouais, je sais pas. Vous voulez passer dans le podcast un... Voilà, ouais, on peut pas lui en vouloir. C'est un complexe, hein. Ça s'explique pas toujours. C'est pas toujours rationnel, je veux dire. Ouais, ouais. Ouais, bah. Voilà. Ouais, excuse-le. Ouais. Non, bah, je sais pas. Pardon. Excusez-moi, le village n'avait aucune église. Bon, bah, il l'a remis au milieu. Qu'est-ce que je dis? Et donc son pénis mesure maintenant autour de 7 à 8 cm. Voilà, il fonctionne hein même mieux qu'avant. Mais c'est non, des 20 cm au repos. Ouais. Attends, 20 cm, ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'était 20 cm au repos. Non, en érection, en érection. En érection. Non, mais quoi? Attends, c'est... Bon, allez, on l'appelle, c'est trop con. Bah, allez. C'est la fête de la musique, on va pas le déranger. Continuons un petit peu sur le domaine de la teubie, si vous le voulez bien. Quel phénomène a-t-on pu observer ces 30 dernières années? Ah, donc t'as donné un méga indice. Pourquoi? Ça concerne la bite. Oui. Ah, ok, d'accord. On est dans le podcast, c'est pas l'indice du siècle non plus. Mettre des petites lunettes pour enfants sur son sexe. Et prendre en photo pour faire une carte postale. Je sais pas. Si c'est un truc qui revient. Au hasard. Je sais pas. Non, mais t'as la ref, Benjamin. T'as la ref. Oui, bien mais sûr. T'as la ref de quoi? La ref de quoi? De Monsieur Patate? C'est quoi? Une carte postale où t'as une teub avec des lunettes dessus. T'as vu. Non mais quoi? Viens passer les vacances à Sèche-sur-le-Loire. C'est souvent ça, hein. Non mais j'avais ça avec des nichons, mais pas avec des lunettes sur une teub. Mais t'es pas inclusif. Ah oui, non. Donc oui, qu'est-ce qui se passe dans le domaine? Ça réduit. Eh non. Ça s'agrandit. Bien joué, Morgane. À vue d'œil. Chaque jour que Dieu fait. Un centimètre de plus. Jusqu'où va-t-on aller? Mais c'est ça. Moi, ça m'inquiète, hein. Ça m'inquiète. Une méta-analyse portant sur 75 études et plus de 55 000 hommes montre que la taille moyenne du pénis en érection est passée de 12,14 cm en 92 à 15,24 cm en 2021. Non, c'est une augmentation naturelle. C'est pas genre une augmentation des opérations pour se faire agrandir le pénis. Non. Juste naturellement. Naturellement, on a pris... Il... D'autres font ce qu'ils peuvent, mais après, c'est une statistique, quoi. Les autres. Donc un peu plus de 3 cm, voilà, en 30 ans. Une augmentation de 25 cm, de 25%, pardon. Ah oui, non. Oui, 25 cm, c'est un peu beaucoup. Ce résultat publié dans The World Journal of Men's Health est surprenant, car il va à l'encontre des tendances observées, puisqu'il y a quand même la baisse de la testostérone, du nombre de spermatozoïdes et la hausse des malformations congénitales masculines. Tout ceci serait provoqué, selon les chercheurs, par l'exposition aux perturbateurs endocriniens, pesticides, produits d'hygiène, mettre sa bite dans de la javel, tout ça. Au hasard, une fois encore. Mais donc, les perturbateurs endocriniens, ça donne une grosse queue, donc apparemment. Ouais. C'est un des... Pire Marvel. Ça va être dur. Ouais. Mais c'est le slogan de Roundup, d'ailleurs. Ouais. Ça donne une grosse bite. Mais ça va être dur de faire du lobbying, maintenant. C'est un des effets secondaires. Mon appart est très stérilisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. En Allemagne, eh oui. Un train a été immobilisé en gare. À votre avis, pour quelle raison? Un rapport avec la crotte? Pas de rapport avec la crotte, dis-toi. Demande, hein. Ah non, mais on est insaisissable ce soir. Ah oui, j'ai pas prévenu. C'est sûrement l'émission la plus beauf, peut-être de l'histoire du Floodcast. Peut-être. Je vous le dis, ouais. Et c'est pas par rapport Fais-le. Je veux pas spoiler, mais on est autour de ça, ouais. Ok. Mais ça a rien à voir avec la réponse. Pour le coup, là, la réponse n'est pas du tout graveleuse. Ok. Donc, il a été immobilisé en pleine voie. En gare. C'est un rapport avec le wagon-bar? Non. Un accident de santé? Pas vraiment. Non. Santé, il a pas eu de problème, je sais pas, de cœur ou de. Mais c'est un peu lié au fonctionnement du corps humain? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et la bouche sèche. Vraiment le truc. Ah non, mais oui. Une plaque d'eczéma, ils ont fait, je peux pas partir, désolé. C'est un homme? C'est un homme. Mais sa bite n'est pas en cause. Oui, d'accord. C'était ma prochaine question. Sa bite a grandi de 3 cm. Ouais. Est-ce qu'il a fait une crise de quelque chose? Oui, mais après avoir fait une bêtise. Voilà. Une bêtise, quand je dis une bêtise, pas fait exprès. Ah. Ça a impliqué quelque chose qui, effectivement, l'a abîmé. Dans les chiottes? Non, pas dans les chiottes. Au wagon-bar? Pas au wagon-bar. À sa place. D'ailleurs, quand es-tu fait à sa place, Zazie Axel Bauer? C'est Omar Sy avec son chien. Pourquoi? Je sais pas. Ça m'a révolté, cette histoire. C'était quoi? Pas bien, j'ai rien dit. T'as pas suivi l'histoire? J'ai rien du tout. Ils lui ont demandé de mettre une muselière à son chien. C'est obligatoire, hélas. Hélas. Et ça a fait le tour d'Internet. En 5 secondes 30. Pauvre Omar Sy, qui était adoré de tous les Français. Et ben là, c'est passé 4e sous Jean-Jacques Goldman. Mais attends, c'était lui le bad guy dans l'histoire? C'était lui le bad guy. Parce qu'il a refusé? Oui, et le gars a dit, le petit contrôleur avec sa petite moustache et son petit képi, il a dit, ah bon? On va aller jusque-là, monsieur? Monsieur Sy? Et il a porté plainte. Ah ouais? Ah ouais? Oh putain. Attends, le contrôleur a porté plainte, mais... Ça n'a aucun sens. Ouais, ok, d'accord. Tu inventes? Pas du tout. Après, Omar Sy a mis une fausse moustache, une perruque, on l'a plus jamais revu. C'est une référence à Lupin, Netflix. Donc ça ne nous donne pas du tout la réponse pour ce qui se passe en Allemagne. Omar Sy n'est pas mis en cause. Il a fait une bêtise qui impliquait un autre voyageur ou une autre voyageuse. Uniquement lui. Il a renversé quelque chose, il a sali, il a dégradé le wagon d'une certaine manière. Il utilisait la prise de quelqu'un d'autre. Ça, faut arrêter de faire ça. Hein. Moi, Ouigo, je paye 5 balles de plus. Hein. Parce que Omar Sy, il a mis sa prise là récemment. Ouais, putain, toujours lui. Il mettait son coude sur les deux accoudoirs. Non, le train a été immobilisé parce que quelqu'un, je vais vous donner un petit indice. A fait une esclandre. Une esclandre. Ouais. Tu grabiges. Ah, ou une esclandre, je sais jamais. Ouais, non, mais je comprends que vous ne me répondiez pas. Je sais pas. Ça aurait été une cacophonie, donc il y a un scandale, quoi. Il, écoute, non, il n'a pas fait une exploit. C'est juste une mésaventure. Une bagarre. Non, baisse ce point, je t'en supplie, par contre. Bah, pardon, Statam. Ah oui. Non, une mésaventure. Ah oui. Ah oui, il lui est arrivé une petite galère. Ah, il s'est trompé, il avait un changement et... Putain, tu me regardes comme si j'étais un gogol de... Non, ah, je suis plongé dans tes yeux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'était immobilisé en gare, c'est pour ça peut-être qu'il dit c'était pas ça, je pense, peut-être. En gros, le train n'est non, jamais... Non, c'était pas ça, c'était ta moustache, okay. T'aimes bien. Le train n'est... En fait, est-ce que le train n'est jamais parti, en gros, c'est ça? Si, le train est parti. Ah, c'était à une étape, ils se sont arrêtés, genre. Ouais. Est-ce qu'il a tiré le signal? Non. C'est interdit? Il a essayé de descendre en marche? Non. C'est un rapport avec ses bagages? Pas avec ses bagages. Ouais, je vais vous donner un gros indice, mais oui. Il a fait tomber quelque chose. Son gosse. Non. Je sais pas. J'ai fait tomber mon gosse, Jean-Jacques Goldman. Sa béquille sur une vieille dame et il y a un PNQ derrière qui a des... je sais. Je raccroche les wagons. Oh, train. Ah ouais, bah quoi. Je suis encore vert. Putain, mais qu'est-ce qui va rester demain avec tout ce que tu donnes ce soir? Oh. Demain, je sais pas, lundi, au fond du trou, ça c'est sûr. Rien, à sec, le mec. Je vais vous donner la réponse, j'ai l'impression. Non, bah oui, je comprends. Oui, bien sûr, oui, pour les dernières, tu vas donner la réponse, non. Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire... Il est fou, lui. C'est-à-dire qu'il me reste quelques trucs. Ah ouais, quoi. Quelques questions. Mais non, il a fait tomber un objet. Il a fait tomber un objet et il a voulu le récupérer. Son portable. Bah, oh, l'objet, peu importe, je vais vous dire, mais il a voulu le récupérer. C'est coincé dans la fenêtre. Alors, qui est presque. C'est coincé sous le siège. Il s'est coincé sous l'accoudoir. Ouais. Les accoudoirs qui se relèvent, on est bien d'accord. Bah, alors après, je me suis dit peut-être que les trains en Allemagne sont un peu différents. Ah, peut-être. Tu vois, je veux pas shamer l'Allemagne là-dessus. Un passager d'un train régional a vécu une mésaventure insolite en tentant de récupérer un écouteur sans fil tombé entre deux sièges. On les fait toujours tomber, ces écouteurs. Non, mais. Ils montent hein. Partout. Ah, ouais. Non. C'est vrai. Et après, on fait une story où l'a oublié, tu sais, avec le GPS Benjamin, là. Benjamin l'a fait, il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait, il n'y a pas Bah, y a c'est pas un peu d'autres. Dur, c'est un peu dur, mais je comprends. Il n'y a pas de shaming. J'ai oublié mes écouteurs dans le train à Montparnasse. Je pars du train, je m'en rends compte vraiment. Mais c'est toi le gars, donc. Oui, c'est... presque. Et c'est à 10 minutes. Il faut que je refasse 10 minutes en arrière. On m'attendait à la gare. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai aux objets trouvés. C'est pas grave. Et j'ai suivi. En fait, vous savez que le train, il repart après. Il fait plein de destinations. Aussi hein. Sec. Ouais, ouais. Ouais. C'est fou. Hein. Moi, je pensais qu'il restait à vie en gare, quoi. Mais moi aussi. Ouais. Quasi, ah ouais. Et qu'il le détruisait après. Non, il repart, il le réutilise le train. Mais dans la même journée, il a fait au moins 4 voyages. Mais donc là, tu peux toujours voir ton écouteur se balader ou ouais, ouais, là, il est à Montbéliard, là. Il a refait sa vie. Ouais, ouais. Et c'est dans un truc de boc, là, je sais pas quoi. Et bon, si vous ouvrez, vous verrez mes... Il diffuse du Kinvé maintenant. Et donc, ouais, il s'est coincé dans la couille. Il s'est coincé. Les pompiers ont été appelés en renfort. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré ses voix, il a pas réussi à se dégager. Son bras a commencé à enfler. Ah, il s'est coincé le bras. Ouais. Pour moi, c'était la tête. Je sais pas pourquoi. Oui, aussi. Non, bah écoute, plus. Franchement, fais ta petite histoire, j'ai envie de te dire. Hein. C'était la tête. Parce que pour récupérer son écouteur avec la bouche, peut-être, c'était le bras, quoi. Non, pour moi, il s'était. Ouais. Ah oui. Tu vois. J'ai voulu t'humilier, je te présente mes excuses. Bon, je les accepte. Donc, l'intervention a duré plus d'une heure. Les secours ont dû démonter plusieurs éléments du wagon, siège, accoudoir, porte-bagages, carrément. Pour moi, il a fait le poirier en voulant récupérer, visiblement. Ouais, là, y a un truc. Et utiliser un équipement hydraulique pour libérer l'homme. Quoi? Non, mais là. J'aime beaucoup ce passage. Par respect pour sa dignité, une couverture de survie a été suspendue sur la vitre pour le protéger des regards. Ouais, remarque, oui. Mais il y avait quelqu'un devant qui l'a monté quand même. C'est une couverture de survie, mais qui est pour les deux sièges. Ouais. Comme je crois qu'il y avait Laurent Baffy avec ses lunettes qui le filmait. Ils ont fait, bon, écoutez. Le train a été évacué et un second convoi a été affrété pour les passagers. Heureusement, personne n'a été blessé. L'homme a pu repartir avec ses deux écouteurs en poche. Bravo à lui. On peut l'applaudir. C'est quoi le truc le plus ridicule qui vous est arrivé en public? Toi, Morgane, par exemple. Oh, mais commence par les 5 premiers. Quoi. À part raconter une blessure, un abcès ou un truc. Hein. Autre chose. À la chatte. Attends, vas-y, quelqu'un. Vas-y, peut-être toi. J'avoue, je sais pas du tout. Moi, il m'arrive jamais rien. En public. Après, je me suis foutu la honte, mais il n'y avait pas beaucoup de gens, quoi. Oui, non, mais... si, en gros, si c'est une anecdote sympa pour les gens, quoi. Ah, bah non, non. Grosso modo, quoi. Pour leur faire plaisir, quoi. Non, non, non. Non, toi, Adrien. À part, évidemment, ce qu'on a vu en début d'émission. Oui, il y a eu ça. Non, un truc en public. Ouais, mais je l'ai raconté il n'y a pas longtemps. Quand je m'étais pissé dessus, là, devant les amis de ma mère. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était il y a 2 ans, donc ça va. La prescription, quand même. Mais non, écoute, ça ne me revient pas. Ouais, écoute, hélas, je vais enchaîner, il n'y a aucun problème. Hein, oui, voilà. Il y a une question que j'aime beaucoup, je l'ai notée, parce qu'elle clôt un peu un long arc de l'histoire du Floodcast. Ah, nouvel arc. Nouvel arc, ouais. Bah, on va nous ramener à bouffer, on va tout goûter, là, on va regarder ça devant vous. Donc oui, parce qu'avec le Floodcast, on a fait beaucoup de records. C'est vrai, il y avait beaucoup de... Ah qui bon a battu le record? Non, pas, ah nous, oui, pas nous, non. Non, d'accord, on a cité des records. Oui. Non, non, très peu de records. À part le record d'allusion au sperme dans un épisode, ouais, parce qu'on en a pas beaucoup. Hein. Le podcast qui imite le plus Mitterrand après 87. Ouais, voilà. Ouais. Non, en gros, la ville de Plougastel est fâchée contre le Guinness Book des records. À votre avis, pourquoi? Mais c'est pas les Schtroumpfs, là? Ouais. Non, c'est pas lié aux Schtroumpfs. Mais non, mais c'était pas à Plougastel, les Schtroumpfs aussi? Les Schtroumpfs, attends, je l'ai noté, bouge pas, bouge, Landerneau exactement. La fierté bretonne là-bas, regarde-moi ça. Elle est venue aussi avec un drapeau elle-même. Oui. Plougastel est fâché. Plougastel est fâché, fâché, fâché. J'ai même noté Grognon contre les. Ouais. La personne qui a créé Landerneau, c'est pas toi qui est venu nous voir pour nous dire que ses parents avaient participé au truc de déguisement de Schtroumpfs? Apparemment non. Ouais. D'accord. Non, parce qu'on a fait un live au Culture Fest récemment où on a un peu chié sur les gens qui faisaient ce truc de déguisement de Schtroumpf. J'allais dire moquer gentiment, mais on leur a chié dessus. Et quelqu'un, ses parents avaient participé à. Et venu nous voir dire qui... mes parents l'ont fait. J'ai dit ah, mais donc on a chié sur tes parents. Et elle a fait oui. Parce que c'était des gens qui s'étaient déguisés en Schtroumpf et c'était le plus grand rassemblement de gens déguisés en Schtroumpf qu'on va battre ce soir. Non, pas du tout. Allez, regardez sous vos sièges, il y a les déguisements. Donc à votre avis, pourquoi les gens de Plougastel ils sont fâchés? Oh bah ça doit être une histoire de plus grande crêpe. Est-ce qu'il y a une histoire avec les... Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça, Marianne? Est-ce qu'il y a une histoire avec les clichés bretons? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Donc, en gros, eux ils pensaient avoir battu un record et le Guinness a dit non non. Exactement. Waouh. Alors c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que tricherie, accusation de tricherie? Pas tricherie. Techniquement, ils ont battu un record. Mais ils sont fâchés contre le Guinness Book des records, à votre avis, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Barry White qui disait... Tu te souviens de ce gars-là, hein, de Barry White? Barry White. Bon, souviens, oui, c'est Barry, le rapport Barry avec Plougastel que j'ai pas. Barry White. Ouais. Mais il est né là-bas. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Tu te souviens de ce gars? Swagman, ça, je crois. C'est Swagman. L'été de tous les records, vous vous souvenez? Oui, de oui, je m'en souviens. Non, non, mais très bien. Voilà, il y avait un mec qui s'appelait Barry White. Il disait, okay. Barry, on est bon, c'est quand vous voulez. Mais oui, non, mais je l'ai, je crois que je le vois très bien. Bah, après, vous n'avez pas eu d'enfance. Ouais. Les cartes postales avec des lunettes de soleil sur une bite, c'était mon enfance. Je me suis bien marré, mon pote. Parce qu'en fait, le Guinness Book des records, faut battre le record. Mais pas que, faut faire quoi d'autre? Une photo? Pas une photo. Enfin, si, aussi peut-être, mais c'est pas ce qu'on cherche. Il faut qu'il y ait quelqu'un du Guinness qui soit là pour homologuer. Aussi, mais c'est pas ce qui a posé problème, pardon, aux gens de Plougastel. Enfin, aux gens, la mairie, parce que je pense que beaucoup de gens de Plougastel s'en branlent, évidemment, de cette histoire. Ah, en fait, le Guinness a dit aux gens de Plougastel, vous avez pas fait ça, donc c'est pas homologué? Non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et il y a un truc qu'ils ont pas fait qui fait que c'est pas homologué. Je vais vous dire ce que c'est déjà, parce que c'était l'heure quand même de la fête des fraises de Plougastel. Bah oui, qui a établi un nouveau record du monde avec une tarte aux fraises géante de 50 mètres carrés. Des garriguettes, j'imagine. Tu m'as méprisé quand j'ai dit plus grande crêpe, frère. Ouais. Ouais. Qui a réalisé à partir de 750 kilos de fraises et 300 kilos de crème fraîche, quand même. Ah ouais, c'est pas rien. Et ils n'ont pas... Et il ne sera pas homologué, ce record. Parce que c'est de la pâte feuilletée, pas pâte brisée, comme ça. Ils sont très tatillons là-dessus. Non, parce qu'ils ont fait la tarte, ils l'ont faite. Ah, la tarte, elle est faite. Ils l'ont pas cuite. Comment? Ils l'ont pas cuite? Ah si, ils l'ont cuite. Il y avait quelqu'un du Guinness qui a dit oui, effectivement. Comme mais dans elle la vidéo est immangeable. Non, mais ça peut être un critère, comme dans la vidéo de Squeezie, là. C'est pas des fraises de Plougastel. Non, alors je n'en sais rien, mais c'est pas ça qui les a embêtés. Il y a un truc, en fait, que tu dois faire pour faire homologuer un record, voilà. Il faut dire, eh, le record est gagné. La manger. Dire ça. Les témoins du témoignage. Non, il y avait des témoins. T'as dit quoi, Morgan? Manger la tarte. Non, ils l'ont pas mangé. Enfin, peut-être qu'ils l'ont mangé, mais c'est pas ça qu'il faut. Putain, comment tu valides un score? Il faut payer le Guinness Book des records. Et bonne réponse, Adrien Méniel. Ah oui. C'est corrompu. Mais c'est corrompu jusqu'à la moelle, ce truc. Attends, c'est combien? Je suis d'accord. Mais là, c'est mon coup de gueule. Là. Moi, je suis d'accord. Combien? De quoi, quoi? Il c'est 20 000 euros, Morgan. 20 000 euros? 20 000 euros. Mais non, non. Ah, si, c'est une blague. Si, c'est 20 000 euros. Ah, donc c'est. Oui. Mais bon, alors, peut-être pour info, ce record en particulier de la tarte aux fraises géante. Peut-être c'est moins cher pour d'autres trucs, je sais pas. Mais pour la tarte aux fraises, il fallait payer 20 000 euros pour homologuer officiellement ce record. Une somme jugée excessive par le maire. Ils sont peut-être fait arnaquer. Attends, par un Christophe Rocancourt que... qui a dit ouais, ouais, c'est prêt quand vous voulez. En fait, mais c'est 20 000 balles, hein, par contre. Allez. Et eux, ils n'ont pas payé du coup. Oui, Morgan. Ouais, c'est-à-dire que si moi j'ai une plus grande tarte mais que j'ai pas 20 000 balles, j'ai pas le. T'as pas le droit. C'est dégueulasse. Et on donne toujours c'est dégueulasse, riche, ouais. Putain. Et on ça, non, mais ça a aucune valeur du coup. Tu le prends très à cœur. Oui, j'ai toutes c'est les années. J'ai une pièce spéciale. Mais c'est une organisation corrompue. Mais oui. C'est connu. Mais non, mais pardon de dénoncer. Contrôlé par les hommes lézards. Il y a des preuves de ça. Mais je croyais que le gagnant, il gagnait que 1500 balles. Du coup, c'est pas vraiment pas rentable aussi. Alors, peut-être dans l'émission que tu regardais l'été, mais là, apparemment, non. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se sortir de cette histoire? Parce que le Breton est fier, on le sait, évidemment. Bah, et il a raison. Et il a raison. Il y a des Bretons dans la salle par applaudissement? Non, mais ça leur fait toujours plaisir. Eh, hey, dans la poche, celui-là, le public, putain, direct. Qui est Navo, et... j'ai envie de dire, mais voilà. Ah, mais t'as tous les termes en fait. Mais ouais. Bilingue en fait. Le Guénadu là, le ouais. Drapeau là. Bien sûr. J'arrive à mes limites là. Ils ont lancé leur propre Guinness Book. Ils ont dit ah ouais, faut payer, on sort notre propre bouquin. Le Coref Book, en partenariat avec la brasserie locale Coref. Le Coref Book. Non mais. Oui. J'adore les Bretons, mais là. L'idée a émergé d'un échange entre le maire et Mathieu Breton, patron de la brasserie. Ah, sérieusement? Ouais. Ouais. C'est trop. Ça, c'est trop. Salut, mon binge. Ciao. Il est breton, il s'appelle Mathieu et Breton. Philippe Bouniaman. Oui, non, mais on n'y croit plus à ton histoire. On dirait un menteur très mauvais en impro. Ouais. Vous êtes bien breton? Oui, oui, comment vous appelez? Breton. Ok, ça passe. Et il est le beau-frère de Jean-François Drapeau dans un festoche. Oh, vraiment incroyable. Et donc il a proposé ça sur le ton de la plaisanterie à la base. Et oui, ça part d'une blague au final. Ah, c'est une bière là, le truc là. T'as dit comment? Coref? J'ai dit la ginger beer. Donc oui, c'est une. Non, non, mais non, la Coref, ouais. Mais je sais pas si c'est une bière, j'imagine. Local, en tout cas, comme Guinness, la bière, ça, j'imagine. Non? Ah. C'est une bière? Ouais. Voilà. Ah, bien joué. Bien joué. Putain, mais une bibliothèque en fait dans sa tête. C'est pas la. Non, mais c'est de la déduction. Non, mais. Vous le voyez pas dans le public, mais la personne est debout carrément. Quoi. Vous êtes un applaudissement très puissant. Vous êtes très sympa avec moi. Donc oui, livre de records gratuit. L'initiative a rapidement pris forme pour promouvoir des événements locaux festifs et populaires. Le Coref Book, pardon, n'existe que la présence d'un huissier pour valider un record officialisé par un diplôme. L'argent récolté lors des événements reste ainsi au bénéfice des initiatives locales comme le financement des écoles. Depuis son lancement en mai, le Coref Book suscite déjà l'engouement puisqu'on a quand même eu la tentative de la plus longue galette saucisse qui est prévue à Dinan. Ah voilà. Quand même. Attends, je crois qu'il nous faisait... Je crois qu'il fallait pas dire. Je sais jamais. Les Bretons, mettez-vous d'accord sur est-ce qu'on dit galette ou crêpe, parce que non, mais je m'en branle. Mais mettez-vous d'accord entre vous. Eh pardon, d'où t'es le porte-parole des Bretons déjà à un moment. Ça va là. Et alors il y a pas que ça, puisque alors effectivement Landerneau, qui était quand même célèbre pour son record de rassemblement de Schtroumpf, voilà, qui est top. Et ben ils visent maintenant. Mais et je demande où vont-ils s'arrêter puisqu'ils visent maintenant la plus grande chenille humaine. Landerneau là, il y a pas de chômage dans votre ville, un truc. Plutôt que vous. Ah non, les projets sont fous. Et il y a aussi évidemment la plus grande farandole ou le plus grand nombre de crêpes en 24 heures. Voilà. Je peux me permettre une question? Oui. La différence entre une chenille et une farandole? Bah écoute, je l'ai pas. Faut pas te mentir. Ok. On dirait vraiment qu'ils ont une idée et disent ça n'a rien à voir avec avant, c'était une chenille, là c'est une farandole. Si on peut avoir les 1500 euros, s'il vous plaît. La farandole, faut surtout pas mettre tes deux pieds en canard. Vous revenez demain pour redémarre, la queue leu-leu, on fait une queue leu-leu demain, vous venez? Oui, oui, bon, arrêtez. Trouvez une autre idée, s'il vous plaît. Chers amis, nous allons continuer avec un nouveau jeu, un jeu que nous n'avons jamais fait, jamais testé, peut-être un fiasco, et un jeu où on va avoir besoin de vous dans le public. Et oui, vous allez pouvoir jouer avec nos invités. C'est Adrien qui va vous choisir. Levez la main si vous souhaitez participer. De ce côté, c'est pas la peine. Je n'ai pas accès à ce côté de la salle. Allez, hop. Trouvez ça un petit peu, comment dirais-je, dommage, à la manière de Big Flo et Oli. On trouvait ça dommage que vous puissiez pas, amis auditeurs qui nous écoutaient, participer, puisque là, effectivement, c'est l'endroit qu'on a eu la chance d'avoir, d'avoir ce précieux sésame que sont des places pour le Floodcast. Donc, on a un invité en plus qui va jouer pour un des auditeurs. Ok ? Cet invité, c'est un streamer, compositeur, c'est un monsieur qui a deux lettres dans son pseudo. Il reste très calme quand il joue à Mario Kart. C'est Mister MV ! C'est Mister MV ! Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Si vous vouliez voir Mister V, c'était hier. On a pris que des Mister avec un V dans le blaze. Il y a un thème, il y a un thème. C'est très très sérieux. Merci d'être là, MV. Ça fait trop plaisir. Eh ben, merci de m'avoir, un régal. Je me souviens avec émotion du Floodcast que j'avais fait avec Antoine et Angle Droit. On avait beaucoup rigolé. Et donc effectivement, ce soir, comme je l'ai dit, nous allons introduire un nouveau jeu et pas des moindres. Je vous avais promis un Floodcast classe. Je vous propose qu'on l'on joue au Paillardisse 8. Jingle. Paillardisse 8, Paillardisse 8, Paillardisse 8, oui, Paillardisse 8. On va bien rigoler et on va danser. C'est pas Sandrine Rousseau qui va venir nous faire chier. Oh, allez, je rigole. Merde. Paillardisse 8. Qu'est-ce que Paillardisse 8, MV, merci de venir pour ça, une fois de plus. Ça régale, ouais, ouais. Je vois qu'on m'estime. Mais tu es proche du monde du camping, du monde de la... Camping, ouais, Paillard aussi, j'ai mes refs, vive les gros nichons, oui. Caca dans la bruyère, habitat du Dul. Oui, non mais des classiques, tout le monde autour de la table. Benjamin. je pense à une chanson qui est atroce qui s'appelle... Oh. Avec la moustache, ça donne tout, en fait. Anglophone. Tout passe avec la moustache, c'est incroyable. Oui. C'est fou. Alors, quel est le concept de Paillardisse 8 ? Je vais vous chanter des chansons, des cultes, des chansons, des hits de chansons françaises, mais qui ont été adaptées en chansons paillardes par moi-même et par Théo Bernard, qui les a recomposées. Et moi, j'ai changé les paroles pour que ce soit le même sens, mais je les ai paillardisées. J'ai tout simplement paillardisé ce hit. Vous avez des petites ardoises sous vos pieds pour pouvoir vous concerter pendant que je chante la chanson pour le public. Nous allons commencer par la première chanson. C'est parti. Allez, tout le monde! Dis donc le playboy, dis donc le playboy, tu me prends pour une truffe, je vais te faire bouffer tes burnes, je te jure c'est pas du bluff, t'as qu'à venir avec moi, tu vas pas être déçu, mais quand tu vas repartir, je t'aurai botté ton cul. What? Fais gaffe à ta gueule, alors fais gaffe à ta gueule, fais gaffe à ta gueule, alors fais gaffe à ta gueule, ouais, fais gaffe à ta gueule, ouais, fais gaffe à ta gueule, attends tout le monde! Là où ça fait pouette pouette, ça risque de faire boum boum. Ça va dans le gros nichon, regarde. Là où ça fait pouette pouette, ça risque de faire boum boum. Va faire dans le gros nichon, va y avoir une explosion. Là où ça fait pouette pouette, ça risque de faire boum boum. Derrière ce nichon, va y avoir une explosion. Là où ça fait, ça risque de faire. Merci. Oh merci. Ça peut être international. Alors, il va falloir des indices. Alors, les paroles sont un peu des indices. Je vous les refais peut-être un peu comme ça, parce qu'avec la musique, je vous refais le refrain. Là où ça fait pouette pouette, ça risque de faire boum boum. Caché sous mon nichon, va y avoir une explosion. Oui, c'est on l'a. Eh oui. Et alors, qui a la réponse? Normalement, à la fin de la chanson, alors, vous faites voir à l'équipe d'Adrien. Claude Chani, la grenade, on a ça aussi du côté de l'équipe de Morgane. Je crois que chez Benjamin Trané. Désolé. Non. Mais il m'a donné les paroles entières, l'autre. J'ai mis sous mon sein la grenade. Et Xavier, tu ne l'avais pas, j'ai l'impression. Ah, c'est vrai, on se chauffe, on se chauffe. On chauffe, oui. On met le starter. Il faut se mouiller la nuque hein, pour ce genre d'exercice, hein, bien évidemment. Ouais, pas facile. Pas facile. Attention, on passe à une nouvelle chanson. Vous savez quoi ? Je vais vous donner un petit indice avant. On est sur une chanson plus ancienne. Voilà, je donne des petits trucs comme ça. Une question, ça, oui. Ça sera que des chansons françaises? Que des chansons françaises. Tu l'as déjà demandé, peut-être? Non, je sais pas. J'ai, bon, j'ai demandé. Ok, ouais. D'accord. Morgane se casse. On va vous dire mieux. Et comment lui jeter la pierre? Ouais, voilà, évidemment. Attention, nouvelle chanson. Allez, tout le monde! Y'en a qui disent que j'ai fait le con à Villard-de-Lans, que j'ai tiré des urnes, alors cachez vos burnes. J'ai baisé une anguille, je l'ai baisée en pleine mer. Je la baisais même avant que tu sortes du cul de ta mère. Et ça fait la la la la la la la la. Passé minuit, je raconte que des conneries. Passé minuit, je raconte que des conneries. Je vais prendre un TGV au milieu de la forêt. Et j'en ai rien à foutre, j'ai les grottes défoncées. Vous t'entends encore gueuler. T'entends encore gueuler. Refrain. Passé minuit, je raconte que des conneries. Passé minuit, je raconte que des conneries. Eh, Sandrine Rousseau, là, pas se d'emmerder. Je vois vraiment pas. Wow. Moi aussi, je suis perdu. De Morgane là. Alors, attendez, on va commencer par l'équipe de Benjamin. Ah, franchement, on est perdu. Ah, t'as rien. Puis moi, je suis subjugué par le. Ouais. Oui. C'est super. Ça fait beaucoup d'infos à tanker. Quoi. Dans les chansons. Pourtant, plus vieille chanson, je devrais être là, mais ça va venir. MV, on l'a pas non plus, hélas. Du côté de l'équipe d'Adrien, si, peut-être. Si, Morgane là. La nuit, je mens. Eh oui. Vous allez voir, c'est évident. Passé minuit, je raconte que des conneries. Et voilà, la nuit, je mens. Je vais prendre un TGV au milieu de la forêt, je prends des trains à travers la plaine. J'ai baisé une anguille, je l'ai baisé si fort. Alors, ça, oui. J'ai fait la cour à des murènes. Ah, mais oui. Mais ouais, mais bien sûr. Ça, c'est évident. Que t'as juste à paraphraser pour que ça devienne nimp. Mais oui. La prochaine. Bah, pardon, déjà. Je prends une gorgée d'eau parce que putain. C'est vrai. Allez, c'est parti. Ça va vite passer. Et celle-là, ils vont pas nous emmerder là. Va pas croire que j'ai eu les foies et que je me suis tiré. Va pas croire que j'ai pas raison et que je me suis planté. Imagine plutôt. Que je suis sur un bateau, que je baisse mon frac et mon falzard au rythme de ce tempo. Imagine plutôt que cette fusée que j'ai volé vers le ciel pour y viser ma lune à l'arrêt. Et ben quoi? Et c'est la fête. Alors j'ai l'impression que est-ce qu'on l'a du côté de Mister MV? J'ai l'impression qu'il y a une réponse. Je pense que c'est une catastrophe, mais ayant déjà interprété quelque chose de similaire et que ça a terminé par viser ma lune, j'ai piffé un Amel Bent, ma philosophie, mais c'est vraiment pas du tout ça. Je comprends où est-ce que tu es allé, mais malheureusement. Je suis allé au simple. Ah, oui, je l'avais aussi, mais. Le cheminement est logique. Comment vous en vouloir sur le cheminement? L'équipe de Morgane Cadignan est pas mal, l'équipe de Benjamin Trani, on a rien. Ah si, on a. Ah si! Non, alors. Ah là, il a triché! Oui. Ils mettent deux réponses et quand tu dis que c'est pas ça, il en efface une. Pardon, excuse-moi, t'es le mec qui a créé le jeu? Non, moi je débunk et je suis pour la justice. Donc ça, c'est éliminatoire pour moi. Déjà. Okay. Tu peux retourner dans le public, c'est terminé pour toi. Merci. Non, lui, c'était l'invité. Oui, d'accord. Il est complice. D'accord, ok. Non, il l'a pas empêché, il me semble. Non, mais c'est vrai. L'équipe d'Adrien, vous l'avez pas, non? Vous l'aviez pas? Non, on n'a rien, vraiment. Bah, l'équipe... c'est pour ça! Mais non, mais l'équipe de Morgane. Comment... C'est un sans faute, hein, dans l'équipe de Morgane, je tiens quand même à le dire. Bravo, Morgane. Puisqu'il s'agit effectivement. Je l'avais aussi. Ah, mais oui! Sous le vent de Garou et Céline Dion. Bravo! Eh oui, il y avait un indice. Eh oui! MV, tu regrettes à quel degré d'être venu? Non, mais ça me fait plaisir pour vous. C'est la fin d'une aventure, c'est peut-être ouais. nécessaire au final. De toute façon, dans une vie, c'est rarement la fin qui est glorieuse, voilà. en vérité, tu vois. Ah oui. C'est une rupture douloureuse. On passe. Alors là, je vais vous donner un petit indice, c'est un chanteur décédé. Voilà, je donne des petits indices maintenant au cas où. On peut lancer la prochaine chanson. Oh, celle-ci en plus. Oh oui. Celle-ci, elle va faire chier les tristes cires. Ceux qui n'aiment pas les barbecues. Sandrine Rousseau. Laisse-moi te parler d'une époque où on savait rire, y'avait pas TikTok. À l'époque, il dingo avait pas tué Paris. On pouvait foutre des fleurs, c'était pas interdit. On vivait tous les deux dans notre appart. Moi j'avais grave la dalle et tu montrais ta chatte. La bonne dent te file la banane. La vie de titan, ça file le gourdin. Désolé, ouais. Je vais pas m'excuser. Oui. Alors. Je suis pas sûr, justement. C'est un des trucs qui me rend le plus heureux. Voilà, je tiens à vous le dire. Alors, ne montrez pas tout de suite vos réponses. MV, je crois que tu es en train de terminer. Alors, on va commencer par l'équipe de Benjamin Tranier. Hop là, il a giflé son collaborateur avec une ardoise. Ok, Aznavour, du côté de Aznavour. Ah, ça précise ici, quand, là, et toi, ah, on sait. Moi, j'avais Aznavour, j'ai mis emmené moi, mais. Mais non, c'est pas la bonne chance, c'était la bohème, effectivement. Mais Aznavour, la bohème. Et oui, mais c'est, oui, la bohème, oui. Et oui, non, mais bien sûr. Parce que j'ai eu la ref à Paris, mais je me suis gouré. Ouais. Mais ouais, non, non, mais bien tenté, très bien tenté. Puisque. C'est Aznavour fonctionne, du coup. Aznavour fonctionne. Moi, je prends la méta là-bas. Ouais. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. On vivait tous les deux dans notre appart, moi j'avais grave la dalle et tu montrais ta chatte. Voilà. Eh oui, eh ben ça marche, hein. Tant qu'on les emmerde, les bien pensants, là. Non mais sans déconner. On peut rigoler. Merde, je crois. Des proches auraient validé. Hein. Ouais. Oh, j'ai envie de prendre l'accent. Allez, je le prends. Non, je prends. Hein? Allez, pitié. Est-ce pour toi, ma Morgane? Allez! Oh putain, tube de l'été! C'est ma Doubida, vous m'entendez? C'est la mienne! Dans l'autocar de Loulou, le pauvre se sent solo et il renifle une nana qui sent bien bon la rose. Il aimerait vraiment trop que la nana lui cause, parce que notre bon Loulou, il bande comme un salaud. Mais Loulou est timide et elle a de belles gougouttes. Elle descend du bus seule et elle poursuit sa route. La morale de l'histoire, elle me donne la larme à l'œil, c'est que notre bon Loulou, il va se branler tout seul. Et on a tous dit, vas-y mon Loulou, putain t'as rien à perdre. Vas-y mon Loulou, putain fais-toi confiance. Ouais c'est pas de peau, ouais c'est pas de veine, y'aura pas d'autres occasions. Ouais tout le monde. Oh merde. Oh la vache. Oh là là, oui. Enterrez-moi oui. avec une bosse au niveau de la bite, putain. Ouais, ouais. Non, de la taille d'une trousse, putain. Qui dépasse. Fait des films où on veut que ça chie à la fin. Mais c'est ça qui me rend heureux, vous vous rendez pas compte. Tu te mens à toi-même. Je me mens à moi-même, putain. Ok, j'aurais pu vous donner un petit indice. Effectivement, là, c'est plus récent. Je peux vous donner déjà ça. C'est un petit peu plus récent. Vous l'avez tous? Ouais. Ah merde, MV, tu es désolé. Amène-moi. Moi, je suis venu, je suis juste là pour profiter de l'expérience. Parce que ça se vit différemment de derrière, en plus. Oui. Oui, c'est vrai. Tu es défrayé, hein, MV, je te le dis. Hein. Merci. On paye le taxi. J'habite pas loin, mais... Oh, très bien. Donc, effectivement, il s'agissait de... Oui, tout le monde là, je crois. Hein. C'est dommage de Big Flo et Oli. Bien sûr. Dans l'autocar de Loulou, le pauvre se sent solo, il renifle une nana qui sent bien bon la rose. Louis prend son bus comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum. Et après, bandé comme un salaud, je suis parti un peu en impro. Non mais j'ai fait ma sauce après, c'est pas... Ouais. Il reste encore une chanson, les amis. Mais pour cette chanson, et je sais qu'il va y avoir des déçus, c'est pas moi qui vais la chanter. J'aimerais qu'on invite Maria à me rejoindre sur scène. Maria, vous pouvez l'applaudir. Applaudissez Maria. Maria, la salle Pleyel t'appartient. Bondo fore se vous trouvez du boulot, ne crevez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande malpropre. Bondo fore se vous trouvez du boulot, ne crevez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande malpropre. Francky va sans le restaurant, c'était un rêve réalisé avec un personnel de merde qui a vraiment fait la merde. Francky va sans le restaurant, c'était un rêve réalisé avec un personnel de chien qui a vraiment trop fait. Il n'y avait que le menuisier. Bravo. Qui était sérieux. Mais oui. Mais je le rappelle. Enfin un classique. Ouais. Bon, j'imagine que voilà, là tout le monde là. Alors est-ce que je peux voir les réponses? Alors. Droit de réponse. Oui, oui. Et j'aime que Adrien et MV, pas l'équipe d'Adrien et MV, ont le titre précis puisqu'il s'agit de droit de réponse et pas Francky Vincent le restaurant, comme je le vois trop écrit sur Internet. D'ailleurs. On m'a humilié dans un floodcast récent où j'ai dit il a réutilisé la chanson en hommage aux victimes d'une catastrophe naturelle. On m'a dit n'importe quoi, c'est la pure vérité. Voilà, j'ai vérifié, c'est vrai. Non, bah, c'est, oui, c'était pas le lieu peut-être pour régler ça. Mais... De toute façon, on s'arrête et voilà. Bientôt la fin de cette émission, on va faire quand même un dernier petit tour de table. Tu m'étonnes. Benjamin Tranier, tu es au cinéma. Il y a encore peut-être. C'est plus beaucoup de salles, mais l'avance est surcotée. On est sur la fin, là. On est sur la fin. Il reste peut-être une salle ou deux, je pense. voilà, ça sort, il n'y aura plus de salles, autant te le dire, mais bon, on peut en parler. Non, mais joli succès, vous êtes content. Mais très content, oui. On n'a pas battu nous les Leroy, mais... Ouais. Eh, c'est pas un concours, hein. Vous n'aviez pas fusé Garcia, vous, dans votre film, donc, évidemment. Morgane, toi, tu joues ton spectacle dans toute la France à la rentrée. T'as encore des dates à Paris, là, jusqu'à juin? Une. Ouais. Bah, maniez-vous. Je ne peux pas vous dire mieux. MV, on peut te retrouver sur Twitch. Je vais pas te mentir, moi, je suis tes contenus depuis très longtemps et je suis trop content de te voir continuer. Et récemment, je me suis dit, est-ce que tu t'es re-énervé sur Mario Kart et ça m'avait manqué? Il est vrai. Plus le jeu est innocent, plus je m'énerve et je l'insulte. C'est vrai, c'est vrai. À 45 ans bientôt, mais bon. Chacun ses problèmes. Bah écoutez, merci encore. Et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Merci. Ciao. Tout le monde. Ah. Merci beaucoup. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.